Un ex-voto par André Theuriet. Sur la route de la Grande Corniche, un peu avant d'arriver à la Turbie, une gorge pierreuse et nue se creuse au flanc du mont Agel. Par d'obliques circuits, un chemin de voiture y déboile et mène à une terrasse où s'élève en surplomb un couvent de franciscains à côté d'une église aux proportions modestes. C'est le monastère de Notre-Dame de Laguet. Au printemps, le site un charme austère. Des cerisiers et des pêchers en fleurs égayent la sauvagerie des pins et des chênes verts accrochés aux anfractuosités de la roche. Un mince ruisselet entretient au long de ces berges accidentées une sorte d'oasis que des touffes d'iris violets décorent. Les rosiers s'y mêlent aux aubépines et des pinsons y chantent leurs brèves ritournelles. Du haut de la terrasse, le regard tantôt plonge au fond de la gorge, dont le soleil teint en gris rosé les maigres olivettes. Tantôt remonte vers la ligne élégante des collines où de loin en loin la mince silhouette d'un pin se détache sur le bleu du ciel. L'ensemble du paysage rappelle la grâce lumineuse et un peu sèche des collines toscanes. C'est dans cette solitude de Laguet que l'aïeul du roi Humbert, Charles Albert, encore tout meurtri de la défaite de Novare, vint passer sa dernière nuit sur la terre italienne. Il y communia, dit une inscription encastrée dans la muraille, et partit pour son exil volontaire, après avoir abdiqué en faveur de Victor Emmanuel. Mais ce n'est pas seulement à ce mélancolique souvenir royal que le monastère de Laguet doit sa célébrité. Il possède une miraculeuse statue de la Vierge qui guérit les malades et console les affligés. De la Pentecôte à la Trinité, les pèlerins affluent vers ce coin perdu en pleine sauvagerie. Ils accourent de la rivière de Gênes et des montagnes du Var et viennent, isolément ou en procession, solliciter une grâce ou accomplir un vœu. La foule est si grande que l'auberge installée en face du couvent ne suffit pas à loger tout le monde. Hommes et femmes campent, la nuit, dans l'église et jusque dans la cour conventuelle. Les murs de la chapelle, les parois des deux vestibules qui y accèdent, sont couverts de naïfs tableautins rappelant les sauvetages opérés par la Vierge miraculeuse. Quelques pèlerins manifestent leur gratitude par de riches offrandes. Cœurs d'or, couronnes enrichies de pierres fines, d'autres, moins reconnaissants ou plus pauvres, se bornent à accrocher modestement au mur leurs inutiles béquilles ou bien des mains et des pieds modelés en cire. L'autre matin, quand je descendis à Laguet, tandis que j'examinais ce musée de touchants ex-voto, l'un d'eux piqua singulièrement ma curiosité. Au milieu des béquilles poudreuses et des navires minuscules, de mignonnes chaussures féminines étaient suspendues, de pantoufles de façon toute moderne, en velours rubis pasquillés de broderies d'or, sans quartier, avec de hauts talons, et de taille si petite, qu'en les regardant, on ne pouvait s'empêcher de rêver amoureusement aux jolis pieds qui avaient dû les habiter. Cette mondaine et insolite offrande m'intriguait, et je résolus d'en savoir l'origine. Je m'adressai d'abord à un frère jovial et bien nourri, qui tenait à l'entrée de la chapelle un magasin de menus objets de piété. « C'est, me répondit-il, avec un discret sourire dans ses yeux bridés, un don de Madame la comtesse Barozzi. » Le même fin sourire effleura ses lèvres prudentes, puis disparut, tandis qu'elles se refermaient. Pour capter la confiance de ce moine circonspect, j'eus beau me ruiner en achat de chapelets et de médailles, il demeurait sur la réserve, et ses brèves réponses imprécises ne faisaient qu'aiguiser mon appétit de curieux. J'obtins plus de satisfaction à l'auberge des pèlerins. L'hôtesse connaissait la comtesse Barozzi, et voici comment, grâce à elle, je pus reconstituer l'histoire du singulier ex-voto. La dame à qui avaient appartenu les pantoufles exposées dans le vestibule de Laguet était mentonnaise d'origine. Blanche et blonde, à la fois très mondaine et très dévote, elle avait su plaire au comte Barozzi, un jeune et charmant fêtard, qu'il avait épousé un peu pour sa joliesse et beaucoup pour sa dot. Quant à la comtesse, elle s'était montrée pendant les fiançailles très éprise de son futur mari, et il ne dépendit pas d'elle que ce mariage ne réalisât toutes les douces espérances qu'il avait fait concevoir. Malheureusement, dès les premiers jours, les choses se gâtèrent. Le comte débuta-t-il mal? Ces brusques façons de comprendre l'amour effarouchèrent-elles cette blonde dévote qui sortait du couvent et dont l'âme était enfermée en sa virginale ignorance comme une fleur en son calice? Toujours est-il que des froissements se produisirent. un de ces malentendus que Balzac a savamment décrit dans sa Physiologie du mariage, creusa entre les deux conjoints un fossé chaque jour élargi. D'ailleurs, indépendamment de ses brusques façons, le comte avait un gros défaut. Il était enragé joueur. Comme le ménage habitait près de Monte Carlo, il cherchait à se consoler de ses échecs matrimoniaux en pontant ferme à la roulette. Et en dépit du proverbe, ce genre de consolation ne lui réussissait pas toujours. Il perdait souvent de grosses sommes. Nouveau sujet de plainte de la part de la comtesse. Elle reprochait à son mari d'être non seulement un brutal, mais encore un dissipateur. Celui-ci répliquait en l'accusant de bigolerie et d'étroitesse d'esprit. Bref, les discussions devenant de plus en plus pénibles, la jeune femme, irritée, résolut d'en finir en provoquant, sinon le divorce, ses principes religieux le lui défendaient, du moins une séparation judiciaire. Bien que, dès l'introduction de l'instance, le président du tribunal eût autorisé la demanderesse à quitter le domicile commun pour se retirer dans un couvent, l'avoué chargé de la procédure ne dissimula pas à la comtesse que le succès était au moins douteux. Les griefs invoqués ne semblaient pas rentrer dans les cas prévus par le code. Perdre l'argent de sa femme au jeu ne constitue pas une injure grave. En outre, le comte n'avait jamais été ostensiblement infidèle. Au contraire, il n'avait cessé de réclamer l'entière exécution du pacte conjugal, et si cette prétention s'était formulée avec trop de vivacité, les juges ne paraissaient pas disposés à considérer ces marques de la fougue maritale comme autant de sévices entraînant la séparation de corps. En dépit des remontrances de ses conseils, la comtesse s'entêtait. Elle voulait cette séparation, et comme elle était pieuse, elle s'ingéniait à mettre la Providence dans son jeu. Elle résolut donc d'aller à la guet implorer en faveur de sa juste cause l'intercession de la Vierge miraculeuse. Elle arriva au sanctuaire par une chaude soirée de mai, se confessa et communia le lendemain matin. Toute ragaillardie par la prière, elle s'apprêtait à repartir pour Menton quand un de ces violents orages fréquents au printemps et qui rendent les routes de la montagne dangereuses la retint à l'auberge des pèlerins. Or, ce même matin, à Monte Carlo, où il avait élu domicile, le comte Barozzi s'est élevé de fort mauvaise humeur. Il venait de perdre la veille, 100 louis aux 30 et 40, et complètement décavé, il avait quitté la maison de jeu en secouant la poussière de ses pieds. Ne sachant que faire par ce clair matin, il résolut de se distraire au moyen d'une excursion en montagne. Le manque d'argent le rendait sentimental et amoureux de la belle nature. Il prit le funiculaire, déjeuna de bon appétit à la Turbie et s'imagina de pousser jusqu'au sanctuaire de Laguet. Il cheminait, humant avec délice l'odeur des pins et goûtant sa promenade alpestre avec le plaisir d'un homme qui a trop longtemps respiré l'air vicié des salles de jeu. Arrivé au monastère, il visita l'église, encore tout embaumée d'une odeur de cire et d'encens, et s'arrêta distraitement devant un moine qui sortait de la sacristie et se dirigeait vers un confessionnal. À l'aspect de cet étranger d'élégante et fière tournure, le bon père s'arrêta à son tour et salua. Le comte était superstitieux comme tous les joueurs. Il prit dans son gousset l'un de ses derniers louis et répondit au salut du moine en lui présentant la pièce d'or. « Veuillez, mon père, accepter ceci pour vos pauvres et priez Notre-Dame de m'accorder une meilleure chance. » Le révérend dévisagea plus attentivement le donateur et avec ce flair particulier que donne la pratique du confessionnal, il devina qu'il avait affaire à un joueur. « Cher monsieur, répondit-il avec un sourire un peu ironique, la Sainte Vierge ignore ce que c'est que la chance mauvaise ou favorable, mais elle se connaît en bonnes actions. Elle appréciera la vôtre, et je joindrai mes prières à son intercession pour que le ciel vous accorde une heureuse promenade et la paix du cœur. » Au moment où le comte, ayant pris congé du moine, sortait de l'église, l'orage venait d'éclater et il pleuvait à verse. « À merveille !» se dit-il vexé. « Le ciel se moque joliment des prières du révérend. » Il se réfugia à l'auberge. La pluie redoublait. Il demanda s'il pourrait trouver à souper et à coucher. À quoi l'hôtesse répondit qu'elle était désolée, mais qu'il ne lui restait plus un lit, vu l'affluence des voyageurs. Quant au souper, on tâcherait de lui ménager une petite place à la table d'hôte des pèlerins. Barozzi fit la grimace. Il aurait préféré souper seul dans un coin. « Je vous jure, répéta la bonne femme, que nous n'avons pas un coin de libre. la seule chambre disponible a été réservée pour le repas de Madame la comtesse Barozzi. Quoi ? La comtesse est ici ? S'écria Barozzi, stupéfait. En ce cas, portez-lui ma carte. Immédiatement, il crayonna sur sa carte ces simples mots soulignés « pour affaires urgentes ». En recevant cet inattendu message, le premier mouvement de la comtesse fut de fermer sa porte à son mari. Puis elle réfléchit que Barozzi était fort irritable, et pour éviter un scandale, elle se résigna. « Priez le comte Barozzi, mon mari, d'entrer, » dit-elle à l'hôtelière qui ouvrit de grands yeux. Le comte entra d'un air aimable et dégagé. Un bon feu flambait dans la cheminée de la chambre. Sur une chaise, la comtesse, en coquet déshabillé, était assise et chauffait ses petits pieds chaussés de mignonnes pantoufles de velours rubis pasquillés d'or. Barozzi ne l'avait pas vue depuis 3 mois. Il la trouva fort jolie et très séduisante, encore qu'un peu pâle. « Veuillez m'apprendre, monsieur, » dit-elle en se levant, « ce que signifie cette affaire urgente et pourquoi vous me relancez jusqu'ici. » « L'affaire urgente n'est qu'un prétexte, » répondit-il en souriant. « La vraie vérité, madame, c'est que le mauvais temps m'a bloqué dans ce cabaret et que si vous ne me venez en aide, je cours risque d'y souper par cœur. Pardon, mais je ne comprends pas. Je vais tâcher d'être plus clair. » Bien que nous vivions sur le pied de guerre et que nous nous battions à coups de papier timbré, oublions pour une heure nos griefs. Cette auberge est un terrain neutre. Ne m'y traitez pas en ennemi. Et permettez-moi de partager votre souper. Laissez-moi du moins, comme Lazare, ramasser les miettes de votre table. » La comtesse sourit. Au fond, elle n'était pas méchante, et ce mauvais sujet de Barozzi la suppliait si gentiment qu'elle se sentait désarmée. « Soit, nous souperons ensemble, monsieur, puisqu'il le faut. Je vous annonce à l'hôtesse comme mon mari, il s'étonnerait qu'il en fût autrement. » « Mille grâces, vous êtes aussi bonne que charmante. En ce cas, permettez-moi de me charger du menu. » Il courut à la cuisine et commanda ce qu'il y avait de meilleur, un poulet, des asperges et un joli vin d'Asti mousseux. Au milieu des pourparlers préliminaires et des préparatifs du souper, le soir était venu. L'hôtesse dressa le couvert et les deux époux s'attablèrent en tête à tête devant une claire flambée. Ce Barozzi était un vénitien fin comme l'ambre. Tout en réglant le menu, il s'était dit que jamais il ne rencontrerait une meilleure occasion de tenter un raccommodement. Une fois à table, il se montra gai, aimable causeur, convive attentif et galant. Il trouva, pour exprimer sa gratitude et son repentir, des expressions d'une câlinerie adorable. Bref, il avoua tous ses torts. Au dessert, il tomba aux pieds de sa femme et baisa ses mignonnes pantoufles en implorant son pardon. Peu à peu, la comtesse s'était attendrie à ses jantes façons. Ce singulier tête-à-tête, l'imprévu de la rencontre et peut-être le vin d'Asti aidant, firent qu'elle se sentit amolie et encline à l'indulgence. Elle se laissa prendre la main, baiser les yeux, et tout à coup se trouva dans les bras de Barozzi. La conclusion fut qu'elle partagea avec le comte non seulement son souper, mais sa chambre à coucher, et que la réconciliation fut complète. Le lendemain, les deux époux, très épris et accordés pour la première fois, allaient rendre grâce à la Vierge. La comtesse fit une large aumône au révérend père et, en guise de remerciement, offrit, comme ex voto, les petites pantoufles de velours rubis que j'avais contemplées amoureusement à la muraille. Et voilà comme la bonne Vierge de Laguet eut un joli miracle de plus à son actif. Ainsi s'achève un ex voto par André Theuriet.